voir Claude Régis ici. Claude Régis, accompagné de Bertrand Cuire, qui est l'administrateur de la compagnie fondée par Claude Régis, les Ateliers Contemporains. C'est un immense plaisir, c'est aussi une grande chance et un grand honneur que d'accueillir quelqu'un qui, en quelque sorte, incarne le théâtre contemporain, incarne, on peut dire, un peu plus d'un demi-siècle de théâtre contemporain. Et alors, comment qualifier ce théâtre d'anti-commercial, de recherche, de théâtre exigeant, c'est-à-dire le théâtre tel que, j'espère, nous l'aimons tous. Alors, je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas monopoliser la parole. Je dirais simplement que Claude Régis a un palmarès absolument éblouissant à plusieurs égards. Premier égard, d'abord, il a introduit, fait connaître ou fait reconnaître en France sans doute la plus grande partie des dramaturges qui ont compté et qui comptent dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, pour pallier les déficiences de ma mémoire, j'ai des listes là, je ne vais pas les énumérer. C'est des listes très très longues d'ailleurs. Je n'arriverai pas à faire la liste. Est-ce que vous êtes capable de faire la liste des spectacles que vous avez montés? Ah non. Non, c'est des nomenclatures à la fin des livres. Oui. Alors, donc, c'est quelqu'un qui a introduit, qui a fait, non pas connaître, mais reconnaître Pinter en France. Vous insistez souvent sur le fait que Pinter avait été monté en France, mais avait connu un fiasco tellement épouvantable qu'il ne voulait plus y mettre les pieds, jusqu'au jour où dans les... pas dans les câbles, mais dans les greniers, c'était de la... vous avez trouvé deux exemplaires de Pinter que vous avez fait traduire et vous êtes tombé en admiration devant cette œuvre et que vous avez largement contribué à faire connaître en France. Alors, je ne vais pas faire une liste complète, mais tout le théâtre anglais qui a compté des années 60, 70 et 80, vous l'avez fait connaître en France. De Osborne, Wesker, Bond, que vous avez fait introduire. Je ne sais pas si vous avez commencé par Saved, vous avez dû faire la première mise en scène de Saved en France, bien avant. Ce n'était pas la première pièce de Bond qui était montée. Oui, et c'était 72, je crois, c'est-à-dire 7 ans après la création, qui a été une date dans l'histoire du théâtre anglais. En 65 en Angleterre. Donc, un palmarès époustouflant. Alors, j'ai noté quelques Anglais. Il y a aussi David Story, mais aussi des Allemands, Boto Strauss, Hanke, que essentiellement. Les Anglais, il y a Sarah Kane. Ah oui, plus récemment, Sarah Kane. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis, donc, Hanke, Boto Strauss, Gregory Morton aussi, parmi les Anglais. Et puis, vous vous êtes translaté vers le Nord, John Foss. Et surtout, vous avez ajouté des gens un peu moins attendus, des romans, des spectacles tirés de Pessoa, Maritime de Pessoa, des spectacles tirés de romans ou de parties de romans. Alors, je ne sais pas comment on prononce, de l'auteur norvégien Vesaas, je suppose que ça se prononce. Oui, norvégien. Mais je ne parle pas norvégien. Oui. Mais d'après ce que... Ça s'écrit Vesaas. Ça s'écrit Vesaas, mais je pense que ça se prononce Vesaas. Il y a un petit haut, oui. Il y a un petit haut, oui. Au-dessus des deux A. Il me semble, mais je prononce mal, je ne parle pas. Mais... c'est plus près de Vesaas que de Vesaas. En tout cas, c'est pas Vesaas. Oui. Et donc, vous avez, ça c'est plus récemment, fait des spectacles à partir de poèmes ou de morceaux de romans, à partir aussi des psaumes traduits par Méchonique. vous avez aussi, alors ça j'étais plus surpris, beaucoup monté finalement, mais dans des temps plus anciens, des dramaturges plus lointains, Kleist, Witkiewicz. Que je l'ai massacré. J'étais trop jeune pour m'attaquer à ça. Mais aussi, vous avez commencé par Lorca et vous avez été le premier à monter une pièce de Pirandello, très tôt dans votre carrière. Oui, c'est vrai. Et vous en avez reparlé depuis, donc vous n'avez pas oublié. Oui, non, je n'ai pas oublié. Et puis, Otway, Tchekhov, Strindberg et même un Molière. C'était des élèves... En Israël. Ah, en Israël. Bien. Ceci en Israël et en israélien. Donc, je ne suis pas monté Molière en français. Oui. Alors, il y a d'ailleurs, dans cette liste, je vais très rapidement terminer avec la liste des acteurs, qui est aussi importante et intéressante. Dans cette liste, il y a quand même une absence frappante, qui est quelqu'un qui est apparemment conforme à l'esthétique que vous avez développée, qui est Beckett. J'ai cru, dans une interview que vous avez donnée, ou dans une interview, je crois, comprendre que vous aviez pensé que Roger Blin l'avait accaparé. Il ne l'a pas accaparé, mais oui. ça a été une rencontre remarquable entre ces deux hommes, au plan de l'écriture et au plan de la mise en scène. Donc je ne voyais pas pourquoi j'irais mettre mon nez entre eux. D'ailleurs, vous n'avez pas... ils ne me l'ont pas demandé, et ils m'auraient sans doute demandé de prendre la porte, parce qu'ils travaillaient très bien ensemble, ils n'avaient absolument pas besoin de moi. Et j'avais besoin, justement, c'est ce qui m'a forcé, d'une certaine façon, à chercher d'autres auteurs. Et vous n'avez pas un petit regret maintenant de... puisque malheureusement Roger Blin n'est plus là pour monter Beckett, on a besoin de quelqu'un pour monter Beckett, ça ne vous tente pas? Vous êtes passé à autre chose? Oui, je pense que ça a été fait, ça a été très bien fait. Beckett est en haut de toutes les statues qu'on peut élever aux écrivains, donc je n'ai pas besoin de m'en occuper, je ne pense pas. En plus, j'ai quand même essayé de changer, je n'ai jamais monté plus de 3 pièces du même auteur, et je pense que l'œuvre de Beckett a été suffisamment diffusée, si vous voulez. La question que vous me posez, on me dit tout le temps, mais c'est bizarre, vous ne montez pas Shakespeare. Eh bien non, je ne monte pas Shakespeare, il y a beaucoup de gens qui le font, et Shakespeare n'a pas à être découvert, ni à être connu. Le travail est déjà fait. Et alors, parallèlement à ce palmarès de dramaturge, il y a un palmarès d'acteurs. Je chercherai difficilement un des grands acteurs de la deuxième moitié du XXe siècle, ou du tout début du XXIe, avec lequel vous n'ayez pas travaillé. Alors, je ne vais pas donner une liste, mais de Delphine Seyrig, Samy Frey, Emmanuel Riva, Claude Rich, Madeleine Renaud, Michel Bouquet, Pierre Brasseur, Michel Lonsdal, Jeanne Moreau et compagnie, vous avez non pas forcément découvert, mais parfois découvert, des gens comme Depardieu et Kester, apparemment vous les avez pris tout jeunes. Je n'imagine pas quel grand acteur vous a échappé. Est-ce que vous avez d'ailleurs une frustration à cet égard? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas eu et que vous auriez aimé avoir? Aucune frustration. Et ce que je peux dire, c'est que récemment, au lieu de m'adresser à ces monuments gigantifiés de l'art dramatique, j'ai travaillé beaucoup dans l'enseignement. J'ai travaillé beaucoup dans les écoles de théâtre, spécialement à l'école de Rennes, très souvent. Et mes derniers spectacles, mais déjà Yann Boudot a été découvert dans un stage. Je veux dire qu'il y a beaucoup, Brume de Dieu a été joué par un élève de l'école qui n'était pas encore sorti de l'école. Je l'ai rencontré là pendant le cours et c'est là qu'on a décidé de faire Brume de Dieu. Donc il y a aussi toute une catégorie de jeunes acteurs que j'ai découvert dans les écoles et à qui j'ai confié des rôles importants, quelquefois uniques d'ailleurs, et d'autres qui se sont assumer. C'est-à-dire, c'est plus facile de ne pas tomber dans la convention du jeu quand on a affaire à des êtres jeunes qui ne sont pas encore formatés et déformés. Vous avez d'ailleurs beaucoup travaillé avec des acteurs non standards, sourds-muets. Vous avez pris comme actrice Emma Santos quand vous avez décidé de monter. Alors, Emma Santos a dit peut-être pas forcément beaucoup de choses aux plus jeunes d'entre eux. C'est le rayon folie, c'est le rayon maladie mentale. C'est l'auteur d'un texte qui avait fait beaucoup de bruit vers 1970-75. Qui était une malade mentale, et c'est un texte très très délirant, très très beau mais très délirant. Vous avez décidé de monter avec des actrices, et finalement elle n'a vous expliqué quelque part, peut-être dans le désordre, je ne sais plus, qu'elle n'a pas supporté d'entendre le texte par la voix d'actrice et qu'elle a tenu à le jouer elle-même. Je crois que c'est pas voix d'actrice, c'est elle n'a pas supporté d'entendre de l'extérieur. De l'extérieur, c'est ça. Ces problèmes les plus intimes, les plus secrets, dit dans une vibration qui n'était pas sa propre vibration. Mais j'ai observé que Duras a eu tendance à faire la même chose, c'est-à-dire que tous ces derniers films, et spécialement dans le camion, elle laisse les acteurs se taire. Elle dit qu'il y a une division entre la parole et la présence, et elle laisse les acteurs se taire, et c'est elle qui dit son texte. Elle le dit d'ailleurs remarquablement. Elle le dit comme quelqu'un qui connaît l'écriture, et spécialement cette écriture-là. Alors, pour terminer ce tour rapide, d'abord je dirais que vous avez aussi beaucoup écrit, vous avez publié une demi-douzaine de livres. C'est pas le dernier, mais c'est un des derniers. Dans le désordre, a obtenu le prix de la Société des critiques de théâtre. Grâce à quoi il ne se vend pas du tout. C'est d'ailleurs un très très beau livre, parce que vous écrivez fort bien, en vérité. Et c'est des notes de travail. C'est un petit aspect durassien, d'ailleurs, dans la phrase un peu rare, et en même temps que souvent un peu lyrique. Et il y a des tas de choses, y compris des anecdotes dont on aura l'occasion de reparler. Et puis, on a écrit sur vous, il y a déjà quelques thèses. Il y a surtout ce très gros livre des voies de la création théâtrale, fait pendant de nombreuses années par un nombre considérable de spécialistes, plus d'une vingtaine, je crois, qui est très, très, très large, qui explore votre œuvre. Est-ce qu'on peut parler de votre œuvre ? Non. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut dire de votre travail de metteur en scène ? On peut dire ce qu'on veut, mais pas œuvre. Je n'ai pas d'appellation parmi les parties. Donc, de vos mises en scène, alors, et... Un travail qui échappe à la moyenne normale, disons. Oui, vous n'aimez... Ou à la normalité moyenne. Vous n'aimez pas ce qui est cocorico, franco-français. Ah, je déteste. Vous n'aimez pas... Je suis pas français. ...ce qui est normal. Je suis né en France, de parents français, et c'est marqué que je suis français sur ma carte d'identité. Mais je ne me sens pas du tout membre de cette patrie. Oui. Et aussi, ce qui est tout à fait précieux dans ce volume, c'est qu'il y a... Je n'ai pratiquement pas monté d'auteur français, d'ailleurs, si vous remarquez, par Molière en hébreu. Mais il faut considérer que Duras était une enfant jaune, comme elle l'a écrit elle-même, et qu'elle se considérait appartenant à une autre ethnie. Et sa route... connu qu'elle était russe et juive russe, donc elle était très loin aussi de ce qu'on appelle l'esprit français. Voilà, donc je me suis tenu le plus éloigné que j'ai pu de la langue française et de l'œuvre des Français. Et parce que il y a un poids d'héritage rationaliste qui me fait me jeter vers la folie. et vers la maladie mentale, à peu près dans chaque spectacle, on parle de la mort et on parle de la folie. Donc l'esprit français, bien vivant, bon vivant et rationnel, je ne peux rien en faire. Quoi. Je suis complètement démuni dans ça. Je me sens vraiment un étranger. Je suis assez content d'être un étranger, d'ailleurs. Je me sens mieux comme ça. Et alors, pardon si vous êtes tous français. Et à l'étranger, vous vous sentez intégré au paysage ou toujours extérieur? Non. Est-ce que vous êtes un métèque universel? Non. Étranger à tout? Non. Dans certains pays, en Irlande par exemple, au Japon également, je me sens d'accord, je me sens bien. Mais il y a des paysages français que je trouve admirables, la Provence. Enfin, je l'aimais quand elle n'était pas encore envahie de malfaiteurs. Bien, alors je me suis posé une question. Une question, comment vous définir? Comment définir vos mises en scène? Et je me suis même posé une question plus précise. Si je devais dire trois choses du travail de Claude Régis, que dirais-je? Alors, d'abord, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, je crois, c'est... Je ne cherche pas chercher du tout à être original, hein, en l'occurrence. C'est minimaliste. Je proteste violemment, mais je m'en expliquerai tout à l'heure. Au fil de vos mises en scène... On a le sentiment que vous avez dépouillé le théâtre de toutes ses armes habituelles. Je l'ai flingué. Oui. Mais j'essaie de le dire en termes plus... moins argotiques. Oui. Donc vous avez... alors vous êtes un flingueur du théâtre, si vous n'êtes pas un minimaliste. Vous avez un tropisme aussi... disons, que je dirais anti-spectaculaire, non pas que le spectacle ne soit pas important, mais vous essayez d'en réduire les moyens de manière forte. Premier trait. Deuxième trait, vous avez un théâtre que je dirais plus volontiers de l'ombre et du silence, pour que précisément, mais l'ombre et le silence maniés pour que et la parole et la lumière soient d'autant mieux mis en valeur. Et le dernier trait que j'ai choisi, c'est une volonté qu'on pourrait dire hypnotique. La volonté d'entretenir le mystère, de faire appel à l'imagination... et en particulier en décevant en partie les désirs éventuels du public de comprendre ce qu'il voit, pour le forcer à s'ouvrir à des choses qu'il ne domine pas et ne comprend pas. Beaucoup. Alors j'ai regardé les blogs de théâtre récemment, que je pratique guère d'ailleurs, en particulier à propos de votre dernier spectacle du Festival d'automne, intérieur de... Alors, je crois qu'on dit Matterlinck en Belgique, mais on dit aussi plutôt ici Metterlinck ou Metterlinck. Donc, vous avez monté, presque 30 ans après l'avoir monté dans une représentation vers 85 au Théâtre Gérard Philippe, qui avait déjà... d'effrayer la chronique, vous l'avez remonté. Et alors j'ai lu des échos, il y a des gens qui disent « mais je n'ai rien compris, c'est insupportable » et beaucoup acceptent de se laisser saisir par un spectacle qu'ils continuent de trouver totalement énigmatique, mais souvent totalement fascinant. Alors, je dois dire que il était impossible de trouver des places pour le centre culturel japonais où ça se donnait en septembre. De même qu'on m'a dit qu'il était impossible de trouver des places à Avignon. C'était à bureau fermé. Donc je n'ai pas vu votre intérieur, mais j'ai une amie qui m'a expliqué qu'elle avait vu les deux, que déjà il y a presque 30 ans c'était très convaincant, mais elle était totalement séduite pour le dernier spectacle. Vous arriviez, disait-elle, au bout de votre entreprise. Et elle était, s'est sentie envahie par Maeterlinck comme jamais. Alors vous avez choisi pour ça de travailler avec des acteurs japonais, de grands acteurs japonais. C'est un peu l'inverse. Oui. Ah, c'est eux, oui, c'est eux qui vous ont choisi. En fait. J'étais en tournée au Japon avec justement Route Maritime de Pessoa, dont vous avez parlé, qu'on jouait en français, un peu surtitré. Pas beaucoup. Et c'est là que le directeur du festival, Miyagi, m'a demandé si je serais intéressé de faire une création en langue japonaise. Et j'ai dit oui immédiatement et j'ai tout de suite dit intérieur sans savoir pourquoi je disais ce titre-là. J'ai compris après qu'il y avait des relations avec le Bunraku, parce qu'il y a la division entre ceux qui parlent et ceux qui agissent sans parler, parce que le no est aussi très orienté vers la mort, comme c'est le sujet principal d'intérieur. Voilà, donc après j'ai vu qu'il y avait en effet des correspondances avec les traditions de ce pays-là. Alors, c'était la première fois que vous... ah non, vous avez déjà travaillé avec des acteurs israéliens en hébreu. Oui. Mais c'est pas une expérience très courante dans votre carrière. Non, j'ai travaillé un peu au Brésil. Oui. Une fois, on a fait une version de la Monte anglaise en allemand, mais ce n'était pas la meilleure. Dans une époque, au début, je travaillais avec dans une langue étrangère. Mais comme mon travail repose énormément sur le langage lui-même, j'ai analysé que c'était peut-être pas très honnête de faire un travail sur un langage que je ne parle pas. Alors, comme d'habitude, les Japonais sont venus m'apporter une contradiction flagrante, parce qu'on s'est très bien entendu que le travail s'est passé relativement, très facilement, et que donc ça a été une expérience plutôt bénéfique, en fait. Et est-ce que ça a été une expérience nouvelle de travailler avec des acteurs de no, est-ce que... Ce ne sont pas des acteurs de no. J'ai lu quelque part que c'était des acteurs de no. Oui, mais les gens disent n'importe quoi. Surtout les journalistes. Mais ce n'étaient pas du tout des spécialistes du no. C'était des acteurs qui... Vous savez, il y a le no, mais il y a surtout l'influence des films américains. Donc, les acteurs japonais jouent plutôt le réalisme contemporain. Mais c'est un pays où ils ont réussi à entrer dans une modernité mieux que d'autres nations, mais en même temps en conservant le rapport, le contact avec les traditions les plus anciennes. Et ça, c'est assez rare parce qu'en général, on bascule dans l'avenir et on raye totalement le passé, et sans doute qu'on a tort, puisque je pense toujours qu'il faut réunir les contraires, les faire travailler ensemble au lieu de les tourner dos à dos, et que par conséquent, je pense que c'est bien de pouvoir être en relation avec ce qui est le plus contemporain, et en même temps de garder des contacts avec les traditions les plus anciennes et les plus prégnante, en fait. Et alors, au Japon, vous êtes allé voir du no, du Bunraku. Non, j'ai fait ça dans un voyage antérieur. Préliminaire, antérieur, sans savoir d'ailleurs que je viendrais dans cet endroit. Mais à partir de là, cet endroit en question, qui s'appelle Shizuoka, qui a été créé par un metteur en scène dans un parc, donc la végétation est magnifique, il y a de la forêt, il y a des champs de thé, il y a le mont Fuji qui se montre de temps en temps quand la brume lui permet, c'est pas souvent. Il y a l'océan Pacifique qui n'est pas loin, et ce metteur en scène a fait construire des maisons qui sont éparpillées, qui ne sont pas collées les unes aux autres, où on peut habiter pendant qu'on travaille. Donc c'est un lieu absolument privilégié, à la fois par la nature et à la fois par la concentration que ça permet, et des échanges qui peuvent aussi se produire entre les différents artistes qui sont en train de travailler là. Et alors, vous avez eu des difficultés particulières avec ces acteurs qui vous découvraient en même temps que vous les découvriez, où ils, vous dites que de votre côté, ça s'est passé très facilement, et du leur, ils sont entrés facilement aussi dans vos propositions. J'étais très étonné, justement, de voir à quel point il y avait une curiosité et une conscience professionnelle tout à fait exceptionnelle. Ils posaient des questions, souvent, et ils ont posé beaucoup de questions sur l'inconscient, dont je parle très souvent. Mais en même temps, ils étaient curieux de savoir tout ce qu'ils pourraient apprendre de quelqu'un qui n'appartient pas du tout à leur tradition, ni à leur civilisation, ni à leurs habitudes. Et c'est étrange, mais il s'est passé un phénomène naturel, quasiment, entre nous, et qui a fait que le travail s'est fait d'une manière très, très agréable, relativement facile, qu'ils ont très bien senti, compris l'intérêt de cette recherche, et surtout l'intérêt de cette transposition qui, évidemment, est aux antipodes du naturalisme. Voilà, donc, on peut dire que c'était positif. En même temps, on a été très étonnés nous-mêmes d'être invités dans 5 ou 6 festivals européens. Voilà, donc la troupe était aussi très heureuse de venir en Europe et de cette prolongation qui va d'ailleurs poursuivre en août, je crois, septembre. On va jouer en Corée en septembre prochain et on rejoue au Japon aussi. En passant comme c'est sur le chemin. Et alors, quand vous comparez le spectacle actuel et le spectacle d'il y a près de 30 ans, si vous vous livrez à cet exercice, peut-être futile. Vous avez pensé au spectacle, à la mise en scène il y a 30 ans? Je ne suis pas trop employé. J'ai oublié un peu la version d'il y a 30 ans. Je me rappelle très bien des acteurs, de cette femme que j'aimais infiniment, qui s'appelait Muni, qui a disparu, d'Axel Bogoslavski, que j'aime toujours autant. Je me souviens plutôt des acteurs. Je me souviens aussi que le décor était conditionné par le lieu, puisqu'il y avait le plateau, la scène du théâtre Gérard Philippe, où il y avait toujours un proscenium de base, ça existe toujours. J'avais mis les acteurs qui parlaient sur le proscenium, et je me servais de la cage de scène pour figurer la maison. Donc la maison était le théâtre, si on veut. Mais en fait, l'architecture était très déterminée par le théâtre lui-même. Alors que là, je ne veux pas parler trop longtemps, c'est un théâtre tout à fait extraordinaire, qui ne ressemble absolument pas à un théâtre, qui a été fait sur les plans de ce metteur en scène que j'ai déjà nommé, qui s'appelle Suzuki, qui est sous terre, à 2 étages sous terre, donc qui est parfaitement silencieux, qui a été construit en hommage au livre « L'éloge de l'ombre », donc c'est aussi une des raisons de le faire très, très profondément dans la terre. Donc il y a une qualité de silence absolument exceptionnelle. Et c'est un théâtre ovale, où on peut mettre que très peu de spectateurs. Et en même temps, il y a des lois bizarres. Les Japonais ne sont pas toujours très clairs, donc j'arrive pas à savoir la véritable raison. Mais on a le droit de jouer dans ce théâtre deux week-ends par mois. C'est tout. Jamais en semaine. Seulement en week-end et seulement deux week-ends, mais seulement deux week-ends par mois. Alors ça, et pour très peu de spectateurs. Donc c'est un hymne à la non-rentabilité qui ne pouvait que me faire plaisir. Mais c'est une architecture très belle, avec du bois blanc, on dirait des arbres dont on aurait retiré l'écorce, il y a quelque chose de tout à fait naturel là-dedans. Et donc on a dû s'adapter à ce théâtre-là, qui n'était pas du tout le théâtre Gérard Philippe, qui n'avait pas de cache de scène, ni de proscenium. Donc on a conçu un dispositif tout à fait différent. Et la seule chose que j'ai tenue à conserver, c'est l'idée du sable, qui était déjà au théâtre Gérard Philippe, et que j'ai conservé parce que le sable est un remède très efficace contre le naturalisme. On ne peut pas mettre un guéridon avec une lampe à pétrole dans un désert. Il se sentirait trop seul. Alors, ça nous a aidé beaucoup. Les Japonais m'ont posé la question, pourquoi le sable? Évidemment, ils ont pensé au jardin zen, ce qui à l'époque n'était pas le cas pour moi. Mais le désert est aussi un lieu de spiritualité, c'est aussi un lieu de silence. Et donc, il me semblait que ça convenait à cet exercice qui est tout simplement une réflexion sur la mort et une réflexion sur le rapport de la vie et de la mort et sur la présence de la mort pendant la vie en nous. Voilà, donc, c'était pour moi... très émouvant de faire ça comme un espèce d'hommage au théâtre japonais, en fait. Mais je n'y ai pas pensé et je n'ai pas essayé de faire du théâtre japonais, puisque je ne saurais absolument pas faire. Alors, donc, vous avez trouvé un espace qui vous convenait parfaitement. Il convenait spirituellement, surtout. Oui. Comme un espace de recueillement, de réflexion, de tranquillité, de silence, d'obscurité, de qualité de la terre. Une de vos marques de fabrique, vous direz si c'est une légende, c'est quand c'est possible, de diminuer la jauge, de rétrécir les salles et de réaménager l'espace. Je suppose, quand la possibilité technique s'y prête, vous faites supprimer des fauteuils, reformuler l'espace, ce qui fait que j'ai, je crois, lu quelque part, et vous êtes là pour démentir, que les spectacles de Claude Régis sont des spectacles d'un absolu dépouillement, mais tout ce qui ne se voit pas demande des moyens et un déploiement d'efforts beaucoup plus grand qu'un spectacle plein de francs-premuches. Ben, c'est-à-dire que je pense que mon but est de laisser le plus d'espace libre possible pour que l'imaginaire puisse se développer d'une manière maximale. Et je pense à l'imaginaire des comédiens, des gens qui sont sur le plateau, mais naturellement à l'imaginaire des spectateurs, parce que dans mes théories, les spectateurs sont actifs, les spectateurs travaillent, ils sont acteurs, ils sont écrivains, ils créent le spectacle, ils écrivent le spectacle. Handke a dit ça dans cette pièce qu'il appelle Introspection. Il dit: je suis venu au théâtre, j'ai vu cette pièce, j'ai joué cette pièce, j'ai écrit cette pièce. Donc c'est très important de restituer, d'enlever tout le fatras qui fait écran entre la représentation soi-disant et le public, de supprimer tout ce fatras. Et moi je me réfère à une force de création de l'écriture même. Ça, c'est Duras qui m'a aidé à le découvrir au moment de la création de la Monte anglaise. Mais c'est très important de savoir que l'écriture peut être un élément dramatique absolument premier et peut-être unique. C'est-à-dire que si on travaille pour que l'écriture fasse son travail, c'est-à-dire que l'écrivain l'a fait le travail, il ne faut pas abîmer son travail. Et si on fait que on peut restituer par le silence, par le vide, on peut restituer une liberté d'imaginaire qui est égale à celle de l'écrivain en train d'écrire et qui devrait être l'outil des acteurs. L'outil des acteurs, ce n'est pas de s'agiter ou de hurler, c'est de se taire, de faire le silence en eux, et c'est de transmettre toute la sensibilité que le texte leur fait traverser, et tout l'imaginaire qui peut se développer à partir du texte. Je reciterai un autre auteur que j'ai beaucoup aimé travailler, Nathalie Sarrault, dont je parle, qui dit le texte sert à libérer une matière silencieuse qui est beaucoup plus vaste que le texte. Si on considère que ce n'est pas une formule vaine, mais que ça existe, et qu'à mon sens, comme au sien, il n'y a pas de réelle écriture, c'est à ça qu'on peut reconnaître une réelle écriture de quelque chose qui n'est pas une écriture. Il ne s'agit pas de mettre des mots sur le papier, c'est pas ça écrire. Écrire, c'est justement arriver à créer une écriture qui travaille au-delà d'elle-même, dont l'essentiel n'est pas le sens, justement. C'est pour ça que je n'aime pas le rationalisme français. L'essentiel de l'écriture n'est pas le sens. L'écriture, c'est surtout les rythmes, c'est surtout les sonorités, c'est le mélange de rythmes et de sonorités, c'est ce qui nous rapproche de la musique, d'ailleurs. Et c'est cette matière silencieuse qui est comme un au-delà du texte. Alors, c'était très difficile à capter, cette matière silencieuse. Et justement, pour ça que j'aime bien travailler avec des jeunes acteurs, parce que les acteurs professionnels, on ne leur demande pas de se servir de ça. On leur apprend à dire le texte, à jouer le texte de la manière la plus naturaliste possible, parler juste, comme ils disent. Voilà, donc c'est une révolution très profonde. Je peux dire que c'est une révolution totale. Et j'en profite pour reprendre ce que vous disiez des jauges. Il ne s'agit pas de faire pleurer les producteurs en diminuant les recettes, en diminuant le nombre des spectateurs. C'est pas du tout le but du jeu. C'est simplement d'étudier un endroit où on peut voir ce travail silencieux du texte, où on peut voir le travail imaginaire et où le public peut projeter son propre imaginaire. Et s'il y a trop de spectaculaire, et si la salle est trop vaste, j'ai analysé très bêtement qu'on ne peut pas faire le même travail devant 100 personnes que devant 1000 personnes, ou 800 personnes, comme les producteurs rêvent de jauges monumentales. Mais il y a très peu de choses qui résistent à une jauge monumentale. Et en tout cas, pas les expériences fines et les expériences qui essayent de s'aventurer sur des terrains vierges, sur des voies nouvelles. Donc c'est la réduction de jauge, ça entraîne d'ailleurs une réflexion sur l'architecture théâtrale, et c'est pour ça qu'on remodèle complètement l'architecture des théâtres, qu'on fabrique un théâtre avec des gradins en général, avec peu de place, peu de rang, et qu'on fabrique un espace où ce travail d'imaginaire commun entre le public et les acteurs et l'auteur qui n'est plus là, la création de quelque chose d'inouï peut advenir. Ça, c'est très rare. C'est très difficile. Je le dis sans vergogne. Ce n'est pas du tout choisir la facilité que de s'engager dans dans ces voies théâtrales-là, qui sont évidemment jugées au nom de la convention et au nom des recettes, comme je suis un criminel, en fait. J'ai été d'ailleurs très longtemps, du temps du brechtisme, j'étais interdit dans tous les théâtres nationaux, parce qu'on pensait l'extrême droite, parce que je ne montais pas Brecht. Donc il y a quand même des bêtises, il y a des moments de stupidité où il faudrait se révolter et poser quelques bombes quand même. Vous disiez que les dramaturges ne sont pas là, mais vous avez quand même beaucoup monté de gens tout à fait vivants. Alors, comment se sont passées vos relations avec les dramaturges ? Pourquoi vous souhaitez-vous qu'ils soient morts ? Non, mais vous avez aussi... Mais ça ne dérange pas les gens vivants. Oui. Non, mais vous avez monté... J'aime bien parler avec eux, j'aime bien qu'ils m'expliquent, quand ils peuvent expliquer, mais quand on demande à Hank qu'est-ce que ça veut dire la chevauchée, il dit c'est pas à moi qu'il faut le demander, en tout cas. Et c'est d'ailleurs pas à nous non plus de dire au public qu'est-ce que ça veut dire. C'est à lui de trouver sa voie, d'inventer son propre spectacle. Il y avait beaucoup de propositions dans la chevauchée, parce qu'après la Mante anglaise, la chevauchée sur le lac de Constance de Handke a été aussi complètement important dans l'évolution du travail. Parce que justement... On en parlait à l'instant, mais c'est Handke, Peter Handke, qui est le premier, dans un discours qu'il a fait la première fois qu'il a eu un prix, le prix Wüstner, je crois. Il a fait un discours en disant « Il faut arrêter, ça suffit, monsieur Brecht. C'est pas vrai, ce que vous dites n'est pas vrai. C'est pas vrai que la littérature est condamnée à délivrer un message. C'est pas vrai. La littérature doit être libre, et la littérature doit écrire ce qu'elle veut écrire et doit provoquer ce qu'elle veut provoquer. » Donc après la Mante anglaise, ça a été une seconde explosion très, très, très forte. D'ailleurs, au nom de ça, le brechtisme, qui était très mal compris à l'époque sous la houlette de M. Dort, Dieu et son âme, s'ils ont un rapport quelconque ensemble, ce que je ne crois pas, mais... Dort était tout à fait ulcéré par mon travail. Mais c'était très important ce moment où quelqu'un a dit stop à cette mode du brechtisme, parce que, comme je le disais, le brechtisme était devenu exactement du brechtisme. C'est-à-dire tout le monde se croyait déshonoré s'il ne brechtisait pas la mise en scène. Mais ils n'avaient rien compris à Brecht, en fait, comme d'habitude. Donc c'était même pas les théories de Brecht, c'était simplement un théâtre très, très, très grossier. On avait tendance à mettre les gens en uniforme pour faire un peu soldat, pour faire un peu la guerre, pour faire un peu des choses de l'actualité. Mais alors, donc, vous avez travaillé, c'est vrai, surtout avec les dramaturges contemporains, donc vivants. Est-ce que vous aviez une philosophie à cet égard ? Est-ce que vous les chassiez de votre théâtre jusqu'à la générale ? Ou est-ce que vous travailliez avec eux ? Ou ça dépendait vraiment des cas ? Non, je travaillais avec eux, mais ça dépend beaucoup d'eux. Hein, ça dépend beaucoup de leur caractère. Je crois que Handke n'a jamais assisté à une répétition. Duras assistait à toutes les répétitions sans en manquer jamais une seule. Le seul auteur à qui j'ai interdit les répétitions, c'est Jean Vautier, dont j'ai monté une seule pièce, qui n'a pas dû monter d'ailleurs, parce qu'il était tellement intervenant, il était tellement lourd à porter que c'était impossible de travailler. Mais, comme d'habitude, cette espèce de divorce a fait un échec. On ne travaille pas bien. Dans des conditions de cet ordre, on ne peut pas travailler. On n'a pas de conditions favorables pour travailler. Et donc, alors, quels sont les dramaturges avec lesquels vous avez travaillé de la façon la plus heureuse ? Sur la durée, c'est quand même Duras. parce qu'elle a fait aussi beaucoup d'adaptations, certaines à ma demande, certaines au contraire qui ont été proposées par elle-même. Donc là, il y a eu une réelle collaboration, il y a eu une réelle amitié. Au moment de l'Eden Cinéma, elle était en train d'écrire, elle me demandait d'aller tous les soirs à Naufle. Elle me lisait ce qu'elle avait écrit dans la journée et elle se remettait au travail le lendemain. Et le travail s'est fait, moi je n'écrivais pas du tout, mais le travail s'est quand même fait ensemble et j'ai vu la pièce progresser petit à petit. Donc c'est certainement l'auteur que j'ai le plus... avec lesquels les répétitions étaient vraiment... sa présence était indispensable et nécessaire. En plus, elle avait un caractère à réécrire sans cesse, à réinventer sans cesse. Donc quand on répétait, elle disait « Attends, elle arrêtait les acteurs. Là, je l'entends dire ça. » Elle entendait le personnage dire ça. Donc il fallait corriger en sténo. Voilà, mais on ne pouvait pas perpétuellement recorriger, réécrire le texte. Donc il y a un moment où il fallait lui expliquer qu'il fallait qu'elle s'arrête d'entendre des voix et qu'elle s'arrête de faire changer les formulations. Mais sinon, elle ne m'a jamais lu un texte sans le réécrire. Le texte était sur sa machine. Elle disait, je vais te lire ce que... Et en lisant, elle réécrivait. Elle disait autre chose que ce qui était écrit. Et il y avait toujours quelqu'un pour le noter. Et c'était corrigé. Donc, c'est forcément un travail extraordinairement vivant et qui est tout le temps en train de bouger, en train de changer. On dit la même, enfin j'ai lu la même chose sur Sarah Kane, qui intervenant beaucoup dans les répétitions et... Oui, en avant, elle était morte, donc elle n'est pas intervenue directement en tout cas. Elle était très présente, je suppose. J'espère qu'elle était présente à travers son texte qui parle quand même à la première personne. Et vous parlez beaucoup de votre amitié pour Nathalie Sarraute. Et vous racontez quelque part que vers la fin, j'ai oublié de quelle pièce il s'agissait, elle vous lisait aussi, après la mort de Raymond Sarraute, elle vous lisait. Non, ça c'est simplement, elle venait d'écrire Tu ne t'aimes pas, je crois, quand Sarraute est mort, son mari est mort. Et elle n'avait pas, c'est ça que je dis, c'était très émouvant. Quelqu'un comme elle, qui avait déjà une œuvre considérable et reconnue derrière elle, soit prise de doute à l'égard de ce qu'elle était en train d'écrire. Donc elle avait souhaité faire une lecture devant moi et mon assistant de l'époque, qui est devenu metteur en scène, qui s'appelle Éric Didrim. Donc elle a tenu à faire... Et je me rappelle très bien que je sentais... Il fallait donner signe de vie. Et qu'à un moment où il y avait un peu des traces d'humour, j'ai fait un tout petit peu de bruit pour montrer que je riais. Et à partir de là, quand elle a senti que le texte était vivant, souvenez-vous qu'elle a écrit Entre la vie et la mort, ce livre magnifique sur l'écriture, qui me rappelle d'ailleurs beaucoup les travaux d'Ameisen sur le suicide cellulaire, c'est-à-dire sur la fragilité des cellules qui sont prêtes à devenir suicidaires à tout instant. Et sauf quand il y a des mouvements qui font que ce mouvement de destruction est stoppé. Mais tout ça tient à des fragilités énormes et il y a des milliards de cellules, tenez-vous bien, en ce moment, dans chacun de vous et chacun de nous, il y a des milliards de cellules qui sont en train de mourir. Et d'ailleurs, les biologistes ont découvert par là, ce que j'essaye de travailler d'ailleurs, c'est que la mort est essentielle à la vie et que la vie ne peut pas se faire sans la mort. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de suicide cellulaire, les os seraient des bâtons pleins et il n'y aurait pas de place pour mettre la moelle, qui est extrêmement utile par ailleurs. Que la, la, la, la, sort de ce qui a beaucoup surpris les biologistes, d'ailleurs au moment où ils ont découvert ça, c'est justement au moment de la formation de l'être humain, ou de l'être animal d'ailleurs, c'est pareil, c'est dans ce moment où la vie est en train de naître que le plus grand nombre de massacres de cellules a lieu. Parce qu'il y a des choses qui sont indispensables et qui sont nécessaires. Donc ce sont des exemples pris dans la science, mais qui sont tout à fait... J'ai rapproché cette vie fragile des cellules à la fragilité de l'écriture, dont d'ailleurs Sarraut parle très bien dans ce livre « Entre la vie et la mort ». Et c'est des choses de cet ordre que j'essaye d'injecter dans le travail et que je vois peu apparaître dans les spectacles quand je vais au théâtre. Donc vous nourrissez en fait vos mises en scène d'abord de lectures qui ont l'air encyclopédiques, de dramaturges lointains, mais aussi vous citez beaucoup de... physiciens, médecins, vous citez beaucoup Jung aussi d'ailleurs, de psychanalyste, donc vous nourrissez vos mises en scène de tout un arrière-plan que vous piochez là où votre fantaisie vous mène. Oui, pas exactement de la fantaisie, c'est de la curiosité, c'est souvent par hasard. Les choses m'arrivent beaucoup par hasard. Il y a quelqu'un qui me dit, tiens, tu devrais lire Michel Cassé. Alors, j'achète les livres de Michel Cassé. Après, je l'ai convoqué dans une espèce de symposium à Avignon. Et après, on est devenus très, très, très, très, très amis. Avec Amezen, c'est la même chose. On a fait des conférences ensemble. On s'est rencontrés plusieurs fois. On a parlé plusieurs fois de ces sujets, et ils sont bien conscients qu'il y a une communication. C'est ça aussi qui me paraît. Il n'y a pas que les contraires qu'il faut faire communiquer entre eux. Il faut chercher tous les liens qu'on peut tirer et qu'on peut mettre en contact entre des choses qui sont réputées n'avoir absolument rien à faire ensemble. D'ailleurs, j'ai observé que les deux hommes dont je viens de parler, Michel Cassé et Jean-Claude Amezen, citent des poètes sans arrêt. Je crois même que Cassé a dédié un livre à Rimbaud où il dit l'astrophysique dite à Rimbaud, quelque chose comme ça, donc il fait un cours pour Rimbaud. Donc en tout cas les citations de poètes sont constantes chez eux. Donc il faut aussi faire tomber cette soi-disant cloison entre l'idée que les choses qui officiellement n'ont rien à voir ensemble n'ont pas quelque chose à voir ensemble. Et il est probable que si on crée des contacts, si on crée de nouvelles rencontres, des rencontres inusitées, on va défricher des territoires nouveaux. Vous avez beaucoup, je crois, utilisé le hasard ou profité du hasard. Il y a une anecdote que vous racontez qui m'a beaucoup frappé, mais en même temps je l'ai à moitié oublié. Vous préparez une mise en scène avec Catherine Sellers. J'ai oublié de quelle pièce il s'agissait. Et Catherine Sellers, au milieu, vous explique qu'elle subit un deuil très cruel et elle peut absolument... C'était précisément les variations sur la mort de Jon Fosse. Ah oui, Jon Fosse. C'était pendant les répétitions de variations sur la mort. Mais on savait que Pierre Tabar, qui vivait avec Catherine à ce moment-là, avait un cancer... Et elle lui a fait lire les variations sur la mort et lui a conseillé d'accepter le rôle et d'accepter de jouer dans les variations sur la mort. Mais effectivement, il a eu la maladresse de mourir pendant les répétitions. Ce qui fait que Catherine m'a dit très vite après que dans l'état où ce deuil l'avait plongé, elle était tout à fait incapable de monter sur une scène. Donc je n'ai pas voulu la remplacer parce que je pensais que tout un travail avait déjà été fait. Donc, introduire une nouvelle actrice aurait sans doute été dommageable pour elle et pour le public et pour l'œuvre, pour la pièce. Donc je ne l'ai pas remplacée. J'ai réussi à dispatcher quelques répliques, quelques parties du texte, qui n'est pas exactement des répliques, quelques parties du texte sur les autres personnages. Mais j'ai dû faire certaines coutures. Et Ian Fosse, qui est un homme magnifique, qui vient toujours voir les spectacles, a donc assisté à cette représentation des variations où il y avait un des rôles qui n'existait plus. Et il a eu la gentillesse de dire que ça ne l'avait pas troublé dans sa réception spectacle. Mais c'est des moments justement où moi qui parle tout le temps de la mort, tout d'un coup, la mort est là. Alors, c'est pour la petite histoire, mais c'était très spectaculaire, si j'ose dire, parce que Valérie Dréville était enceinte au moment où on a commencé les répétitions. Elle était très avancée dans sa grossesse, donc elle se voyait énormément. Et elle a accouché au cours des dernières répétitions. Je crois qu'on a un peu enfreint les lois, l'administrateur dira, on a un peu enfreint les lois avec les délais qui sont légaux dans ce genre de cas. Elle a rejoué très vite, en fait. Mais enfin, on a eu l'image d'une mère en train de porter un enfant, en même temps qu'on avait l'image de la cruauté de la mort d'un être aimé. Donc tout ça, on dirait que c'est fabriqué par quelqu'un d'extérieur. Comment ça a pu se faire? Et on n'a pas cherché à exploiter la chose, ni évidemment à en profiter. Mais c'est là où on voit bien sûr que la vie vivante, et donc la mort qui en fait partie, sont partie intégrante de ce qu'on appelle le travail, qui n'est pas un travail. C'est un abus de langage de parler dans notre cas de travail. On explore des choses, on tente des choses, on essaye de jeter des ponts sur des territoires tout à fait inconnus et dangereux, où on risque de faire une chute mortelle. Mais on ne prétend pas à autre chose. On prétend que d'avoir le droit de s'aventurer sur des chemins dangereux, sur des chemins fragiles, et évidemment que la maladie mentale en est un, et la mort, la maladie mortelle en est un autre. Et c'est un équilibre, bien sûr, absolument nécessaire de la vie par la mort et de la maladie mentale par rapport à la raison. D'ailleurs, des gens ont dit, si la folie n'existait pas, l'intelligence n'en serait pas où elle en est. Que donc la folie est aussi un accroissement de l'être humain. Et que sans la folie, il y aurait des limitations beaucoup plus vastes. Et j'ai analysé d'ailleurs que nous tous, et spécialement les écrivains, où la vie imaginaire prend le dessus sur le réel, sont très très proches de la maladie mentale. Duras était d'ailleurs quelqu'un qui était, on peut le dire vraiment, elle avait une sorte de folie à elle. Elle était en même temps très forte et elle pouvait conduire les choses d'une manière très raisonnée, mais elle avait aussi accès à des ouvertures vers un monde de dépassement. Et à mon sens, c'est pas la peine de faire ce métier. Ça n'a aucun sens de convoquer du public si on ne s'aventure pas sur des territoires qui sont absolument inconnus. Si on ne fait que répéter que ce qui a déjà été fait, soit de se répéter soi-même, soit de répéter ce que font les autres et que tout le monde se recopie sans le savoir, parce que c'est la mode. Dans un cas, le théâtre avance, dans un autre cas, il reste mort, en fait. Et il s'écroule dans un gouffre. Et alors, vous avez quand même, au fil de votre carrière, plusieurs fois remonté des pièces que vous aviez montées. On évoquait tout à l'heure Intérieur de Metternich, mais vous avez aussi remonté plusieurs fois La Montre anglaise. Dans ce cas-là, vous remontez pour oublier ou pour chasser le spectacle précédent ou pour faire mieux ou... Non. Il y a des raisons à tout, comme je viens de raconter l'histoire de Catherine Sellers. Il y a des raisons à tout. On a repris La Montre anglaise parce que, à mesure que l'âge s'avançait, Madeleine Renaud avait une mobilité extrêmement réduite. Et elle ne pouvait plus bouger, en fait. Elle avait déjà beaucoup de mal à simplement, pour La Montre anglaise, faire son entrée pour venir s'asseoir sur sa chaise, dont elle ne bougeait plus jusqu'à la fin. Donc, là, il y a un phénomène qui s'est passé. On a repris La Montre anglaise à la demande de Madeleine Renaud, parce qu'elle jouait en alternance les beaux jours, où elle était assise sur un tabouret et cachée sur un faux tas de sable. Et elle jouait La Montre anglaise où elle était assise sur une chaise et elle ne bougeait pas pendant toute l'intervention dans le spectacle. Donc c'est le seul spectacle que j'ai beaucoup repris et je l'ai repris uniquement pour la nécessité que Madeleine tenait à jouer cette pièce. Autant elle avait horreur de Barrage contre le Pacifique qui s'appelait au théâtre l'Eden Cinéma parce que c'était un rôle muet et qu'elle n'avait pas compris l'importance du silence, et elle n'avait pas compris la parole que représente le silence. Donc elle ne supportait pas du tout d'avoir un rôle muet. Pour ça, cette pièce-là, on ne l'a jamais reprise. Mais par contre, La Montre anglaise, on l'a repris, je crois, une dizaine de fois, mais uniquement à sa demande et pour qu'elle puisse jouer, parce que c'était important qu'elle continue à travailler, à jouer, à exercer son métier, je crois qu'elle y tenait beaucoup. Donc elle jouait en alternance Beckett et Duras. Enfin, La Montre anglaise et Les Beaux Jours, en fait, très, très précisément. Et alors, vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de forcer les acteurs à sortir d'eux-mêmes, vous contrôlez leur émission vocale, vous les forcez à parler très mezza voce. Mais alors, avec un monstre sacré comme Madeleine Renaud, qu'est-ce qu'un metteur en scène peut faire? C'est difficile. Elle est incontrôlable, je m'imagine. Non, parce qu'elle est très consciencieuse, comme les Japonais. Elle a une conscience professionnelle, elle avait une conscience professionnelle exceptionnelle. Et en même temps, elle avait un très grand respect des auteurs. C'est pour ça qu'elle a quand même, la première fois, accepté de jouer l'Eden Cinéma. Elle a dit. Elle avait refusé d'abord, elle disait « Pourquoi m'écrire rôle muet? Ça n'a pas de sens, ça ne peut pas faire ça. » Après, elle a dit « Il faut être très humble, les acteurs doivent être très humbles, par respect pour l'auteur, je le ferai. » Mais elle l'a fait de mauvais gré, et ça n'a jamais été, repris, donc, comme je disais à l'instant. Et quelle était votre question? Non, justement, peut-être sur la direction d'acteur et sur ce que on peut peut-être. Sur la direction d'acteur et sur la manière dont vous travaillez avec l'acteur, la voix. D'ailleurs, tout à l'heure, vous ne parliez pas de voix, mais vous parliez de vibration. Donc, c'est précisément cette qualité vibratoire-là que vous allez chercher. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus long sur la manière dont, justement, vous faites travailler l'acteur dans cet univers vocal là que vous construisez pour nous et pour rendre inouï ce qui précisément n'est pas. Malheureusement, ce n'est pas mauvaise volonté, mais on ne peut pas dire grand-chose. On ne peut pas dire grand-chose parce qu'on ne sait pas. C'est pour ça que je parle tellement de se laisser faire par l'instinct. et aussi de ne pas savoir. Là, je me réfère au Tao. Le non-savoir est tout à fait une notion essentielle. Et c'est ennuyeux de dire ça à des enseignants. Mais ils devraient enseigner ça, justement. Le non-savoir est tout à fait essentiel. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Ce que j'essaye de faire, c'est comment faire, déjà, comment décrypter dans le texte cette écriture muette dont parlait Sarraute, qui n'est pas écrite et qui est l'essentiel de l'écriture. Je dis que, pour ceux qui travaillent, c'est à ça qu'on reconnaît une vraie écriture. Une vraie écriture, c'est celle qui peut délivrer quelque chose au-delà d'elle-même et au-delà de l'apparence du sens qu'elle semble délivrer. Donc ça, c'est tout à fait essentiel et tout à fait important. Alors, on ne va pas expliquer ça, on ne va pas dire à l'acteur, faut que tu fasses ça, c'est impossible. C'est impossible à dire, c'est impossible à faire, d'ailleurs, ce serait stupide de demander à l'acteur de faire ça. Donc on y arrive petit à petit autrement. On commence par des lectures, et comme le disait Faust, et je l'ai répété tout à l'heure, c'est une question d'écoute. Il faut beaucoup écouter le texte, et voir comment transmettre ce qui semble intransmissible. On essaye de faire voir de l'invisible, ça j'ai déjà expliqué, parce que dans la mesure où le public crée le spectacle dans son propre imaginaire, le spectacle est complètement invisible, parce que personne ne voit ce que l'imagination fait voir à chaque spectateur. Et donc c'est là qu'est l'essentiel du spectacle, en fait. Donc c'est exactement la même chose pour l'acteur qui travaille. Comment, d'ailleurs je pense que la plupart des acteurs professionnels, pourquoi je travaille maintenant beaucoup plus avec des élèves qui ne sont pas encore complètement déformés par l'exercice de la profession. Et comment rencontrer, justement, en écoutant le texte, en écoutant des choses, en essayant de repérer ce que l'auteur veut dire. Parce que Vézas lui-même s'exprime très clairement là-dessus. Et il dit qu'il ne faut pas écrire des choses qui peuvent être comprises avec un esprit froid. Et il dit aussi que il faut toujours, dans l'écriture, laisser une place où les lecteurs pourront développer leur vie secrète, pourront la mettre à jour. Donc, il professe que le lecteur continue l'écriture, et que, d'une certaine façon, comme je le disais tout à l'heure, il est auteur, il est écrivain, de même qu'il est metteur en scène du spectacle, et de même qu'il est acteur, comme c'était dit dans cette phrase de Hanck que j'ai citée tout à l'heure. Donc ça, c'est des notions qui ne sont pas admises officiellement dans la profession, si vous voulez. Et ça ne s'enseigne pas du tout dans les conservatoires. C'est pour ça que j'ai cessé d'enseigner au conservatoire et que j'enseigne dans des théâtres, pas privés d'ailleurs, mais dans des théâtres indépendants en tout cas. D'ailleurs, le système est différent. Parce qu'au conservatoire, on était obligé d'encaisser le même professeur pendant toute l'année, si ce n'était pas une époque pendant 3 ans. Tandis que dans les stages, on change de professeur à chaque stage. Et donc on voit passer des tas de conceptions du théâtre différentes, et on peut trouver sa voix et sa vie à travers les différentes formes qui sont proposées. Alors, du coup, cette voix du texte, cette voix intérieure du texte, est-ce qu'on la trouve aussi bien dans la traduction, puisque vous avez monté beaucoup d'auteurs étrangers? Je voudrais que vous disiez un mot de votre rapport avec les traducteurs, avec le texte traduit. C'est une traductrice qui parle. Enfin, vous voyez, qu'est-ce c'est un immense problème. Mais ça reste un peu à l'état de problème. Mais pour ça, ma collaboration avec Mechonik a été quand même déterminante. Parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages sur la traduction, ouvrages que vous pouvez lire, et il a donné par ses traductions de la Bible, qu'il n'a pas pu achever, parce qu'il est mort, mais dans ses traductions de la Bible, il a prouvé à quel point il fallait faire attention, et pour lui, les traductions habituelles de la Bible sont des effaçantes, et que justement, elles effacent parce que, en général, il y a des traductions dans chaque religion. J'ai été élevé dans le protestantisme, donc c'est la traduction de M. Segond qui sévit dans toutes les pauvres têtes protestantes. Ils doivent subir la Bible par M. Segond. Et ce n'est plus la Bible du tout. Et de temps en temps, ils mettent en vers, on ne sait pas pourquoi. De temps en temps, ils mettent en prose, on ne sait pas pourquoi non plus. Alors que tout le livre est un poème, c'est ça que Mechonik a découvert, que tout le livre entier est un poème, et c'est là qu'il a dit qu'il ne fallait pas franciser l'hébreu, mais qu'il fallait hébraïser le français. C'est pour ça que c'est très intéressant de lire cette traduction, parce que c'est un français particulier, mais justement qui ouvre la voie à des compréhensions au-delà de l'intelligible. Et c'est ça que je cherche. De plus en plus. Et avec l'écrivain que je travaille maintenant, qui s'appelle Georg Trakl, qui est un Autrichien, très jeune, la non-intelligibilité a été officialisée et reconnue. Oui, il va sans dire que n'importe qui dans la salle peut poser une question et intervenir quand il le souhaite. Il me semble que votre position est une position oblique. Vous regardez une langue qui est la vôtre, quand même, le français, mais par les biais du français qui est la traduction d'une autre langue. Et en général, les textes que vous avez montés, c'est des textes nordiques, donc d'une langue. Récemment, c'est récent, les textes nordiques. C'est depuis Jan Fosse, en fait, qui m'a fait découvrir. Non, mais j'entends pour nordique aussi les anglo-saxons. C'est-à-dire des langues qui n'appartiennent pas à une racine commune. D'accord. Et donc, est-ce que cela a une raison particulière? Donc, le fait que la Méditerranée passe par les biais des textes qui ne sont pas théâtraux. Vous avez cité Pessoa et Lorca, mais pas avec des textes qui sont des textes théâtraux. Lorca, j'ai monté une pièce. Ah, une pièce que vous avez montée, d'accord. Et Pirandello aussi. Oui, mais ça, au départ, très c'était ancien. Quelque chose avant votre exploration, départ. Il faut considérer, et j'espère que dans la vie, on fait des progrès. Oui. C'est-à-dire que mon goût d'explorer l'inintelligible est quand même relativement récent. Et que quand j'étais jeune, j'ai commencé à faire du théâtre en 52, c'est là que j'ai monté l'Orca, j'ai dû monter Pirandello ou pas. Pas très, très longtemps après, d'ailleurs. C'était encore longtemps. Donc, je n'en étais pas du tout à l'état de réflexion sur le langage où je suis parvenu maintenant. Mais c'est vrai que, comme j'ai monté beaucoup d'auteurs étrangers, le problème de la traduction que vous avez soulevé, qui est un très, très grand problème, parce que, justement, il faut traduire comment traduire les rythmes, comment traduire les sonorités. On travaille toujours, pour travailler sur les sonorités, on privilégie toujours le travail sur les allitérations, par exemple. Bon, les allitérations ne sont pas du tout les mêmes dans toutes les langues, mais il y a des allitérations dans toutes les langues. Donc si le traducteur est aussi attentif et ne fait pas des acrobaties non plus pour imiter trop la langue de départ, mais si le traducteur est attentif, il peut restituer cette manière de travailler par les sons. J'ai là des notes où on parle justement de Trakl. On dit que la fonction structurante est principalement assurée par un réseau serré de correspondance sonore où l'euphonie garde un rôle prépondérant. Donc c'est bien dire l'essentialité de l'écriture et comment repérer ça dans la langue originale et comment en tenir compte quand on traduit et comment trouver les équivalences dans la langue dite d'arrivée. C'est un très grand problème, mais c'est passionnant, parce que justement, pour Traquel, j'ai lu beaucoup de traductions, et je m'aperçois que celles que j'ai choisies continuent à me satisfaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue des rythmes et du point de vue des sonorités. Alors, il y a des petits malins qui savent l'allemand, qui essayer de me faire changer des mots en disant en allemand c'est ça, mais c'est pas avec un mot à mot qu'on fait une bonne traduction. C'est pas non plus en réécrivant l'œuvre à sa manière qu'on fait une bonne traduction. Il faut trouver aussi comment être là justement, c'est un cas de contradiction. Il faut trouver comment être extraordinairement fidèle et il faut avoir la liberté d'être parfaitement infidèle. Poser le problème, mais pas le résoudre, j'en suis bien conscient. Mais déjà, le poser, c'est important. Pardon. Traquel, c'est des poèmes plutôt courts. Il a écrit deux poèmes en prose qui ont 5-6 pages, même 7 ou 8. Dont un qui s'appelle Rêve et folie, que je travaille, et j'ai l'intention de monter en 2016. À la rentrée 2016. Et à partir d'un poème de 5-6 pages, vous allez faire un spectacle. Eh bien, mon cher ami, si vous étiez curieux, vous apercevriez que mes manuscrits des 3 derniers spectacles font moins de 10 pages. Et ça, personne ne veut le croire. Intérieur, c'est plus 10 pages. Ah, intérieur, non, c'est 10 pages. Alors, j'en ai enlevé un peu. Ah bon, parce que j'ai une vieille édition, j'ai encore relu. C'est plus longtemps. C'est une pièce courte. Hein, c'est court. Mais effectivement. Ça a entre autres qualités, ça a la qualité justement d'oser être une pièce très courte. Et donc il y a beaucoup de place pour ce qui n'est pas écrit. Donc tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a à un moment de. Qu'est-ce qui a à un moment orienté vos choix vers cette écriture presque systématiquement anglaise ou britannique? Donc après Pinter, on en parlait tout à l'heure, il y a eu Bond, et non, puis il y a eu Houghton, et puis... Tout dans ma vie, c'est fait par hasard. C'est pour ça que j'en fais une théorie. Oui, en même temps, vous nous dites quand même que le hasard, il y a une main derrière qui peut-être l'informe. Je ne sais pas, personne ne le sait. D'accord. Donc, ça aurait été des rencontres au hasard. Enfin, vous avez trouvé. On a du mal découvert Pinter par hasard. Il y a du hasard, il y a de la nécessité, comme dit l'autre. Il faut lire le livre. Parce que. Ce qu'on a dit à propos de Beckett, pourquoi je n'ai pas monté Beckett, parce qu'il était dans les mains. Bon. Voilà. Donc, j'ai compris à cette époque-là que si je voulais travailler, il fallait que je trouve mes auteurs, il fallait que je trouve les auteurs qui me convenaient et qui m'intéressaient. Mais est-ce que du coup, vous dégagez... Il se trouve qu'à ce moment-là, c'était les anglo-saxons. Alors, ce métier fonctionne de manière bizarre, ça s'est su, je ne sais pas comment d'ailleurs, c'est bizarre, mais ça s'est su plus ou moins que premièrement, je ne montais que les contemporains, qui a fait plaisir à beaucoup de gens qui écrivent. Deuxièmement, je ne montais que des étrangers, et pas de français. Donc j'ai reçu énormément de manuscrits étrangers et nécessairement contemporains. Oui, mais en même temps, ça faisait sens. À cette époque-là, il y a eu cette explosion du théâtre anglais que j'ai monté, je n'ai monté que ça, et le fait que Delphine Seyrig, après Marianne Bad, ait accepté de... Alors j'étais totalement inconnu à cette époque-là, et accepté de jouer l'amant et la collection, ça a naturellement fait beaucoup avancer les choses, surtout qu'elle a accepté de vivre d'autres aventures avec moi, et que, sans compagnie d'ailleurs, parce qu'elle n'avait aucune forme juridique. On a été appelés au théâtre Antoine où Mme Berriot nous a donné la liberté de faire ce qu'on voulait. Tant qu'on n'a pas fait trop de four à la suite. Dès qu'on a fait trop de four à la suite, il nous a mis dehors, ce qui est tout à fait légitime et tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'était très bien parce que c'est le moment où Duras m'a proposé de faire la vente en Belge et ça a été le début d'une autre carrière et d'une autre façon de concevoir le théâtre. C'était une révolution bénéfique, alors qu'on pouvait penser que c'était une catastrophe professionnelle. Donc c'est ces contradictions qui me plaisent beaucoup et dont je vois le bénéfice parce que finalement j'ai eu énormément de chance. Je ne sais pas comment, je ne suis pas très doué, je ne suis pas du tout un homme de théâtre, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas le faire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font. Et j'aime pas ce qu'ils font en plus, je ne sais pas faire la même chose. Donc je ne sais pas comment je travaille. Et là aussi, j'ai fini par théoriser que ce que j'ai dit tout à l'heure, je me répète, que c'est très bien de ne pas savoir. Vous parliez tout à l'heure de la... Pardon ? Désolée. Vous êtes sur une tour, alors... J'ai trouvé pas de place, alors du coup, je pouvais... Vous parliez tout à l'heure de la dimension spirituelle du lieu dans lequel vous êtes retrouvé au Japon. Est-ce que... c'est quelque chose qui vous accompagne dans votre création, qui se retrouve dans votre création, la question de la spiritualité. Ben oui, bien sûr. Seulement, il faut, comme d'habitude, faire une note préliminaire, c'est-à-dire que les églises, toutes les églises, se sont appropriées la spiritualité. C'est un droit absolument abusif. Elles n'ont absolument pas le droit de le faire. Mais elles prétendent être les tenants de la spiritualité et les seuls lieux où la spiritualité a lieu et peut avoir lieu. Ce qui est un mensonge absolu. Et moi, j'appelle spiritualité ce qui se rattache au monde de l'imaginaire. Parce que dans spiritualité, il y a le mot esprit, si je me trompe. Donc, c'est ça dont il s'agit. Il s'agit de la vie de l'esprit, il s'agit de développer la vie de l'esprit. Et je pense que tous les gens qui font de la création... et pas seulement les écrivains, travailler leur esprit, que c'est une vie spirituelle. Donc, cette spiritualité-là, je la réclame et je la cherche parce que j'ai horreur du réalisme, j'ai horreur de la copie du réel. Et là aussi, ça tombe bien parce que les scientifiques et toujours les astrophysiciens nous apprennent que le réel n'existe pas. Et que de toute façon, on ne sait pas ce que c'est. Et qu'on a découvert, je crois qu'Einstein s'en était déjà aperçu, mais il était un peu trop intelligent. Il a trop découvert de choses, c'est incroyable. Mais il s'est aperçu que une molécule pouvait aussi être une onde. Et tout d'un coup, on a été très, les scientifiques eux-mêmes ont été très embarrassés de cette dualité-là. C'est-à-dire, comment faire? En plus, c'est inobservable, parce que quand on veut l'observer, on ne peut pas observer à la fois l'onde et à la fois la particule. Donc, c'est ce qui a amené la théorie d'Heisenberg sur les relations d'incertitude. Donc, ça fait peser sur la science une incertitude totale et généralisée. Donc il n'y a plus de certitude, il n'y a plus de fondement, il n'y a plus de fondement à rien. Edgar Morin dit que la science, c'est quelque chose qui est construit sur des pilotis qui reposent eux-mêmes sur de la vase. Donc c'est quand même une image de fragilité assez saisissante. Et donc c'est avec ça qu'il faut vivre. Et c'est avec ça qu'il faut travailler, et c'est avec l'idée qu'on ne sait rien, qu'on ne sait pas grand-chose. Et Casser, toujours lui, dit que c'est pas parce qu'on ne peut pas percevoir quelque chose, et parce qu'on ne peut pas en parler, qu'on peut conclure que ce quelque chose n'existe pas. Qu'il peut très bien y avoir, qu'il y a certainement, il y a forcément... Déjà, il y a 9 dixièmes de l'univers qui reste totalement inconnu. on ne sait des 9 dixièmes de l'univers qu'une seule chose, c'est qu'il n'est pas composé d'atomes. C'est peu savoir, hein, parce que tout le reste, le petit dixième qui nous reste, on sait qu'il est composé d'atomes, comme nous-mêmes. Bon, mais c'est l'ouverture sur un inconnu gigantesque. En plus, maintenant, on nous dit que, bien sûr, il n'y a pas que notre univers, qu'il y a plusieurs univers. Donc, le problème est démultiplié. Donc, il faut penser à toutes ces choses-là quand on fait du théâtre. C'est pour ça que même Molière, je ne dis pas qu'il n'avait pas de talent, mais le niveau de ses préoccupations et le niveau de son écriture ne peuvent pas me passionner, ne peuvent pas m'intéresser. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas français, parce que je n'ai pas aimé Molière, quand même. Et donc, travail... Pardon, je t'en prie. Et dans votre dialogue avec la science, est-ce que vous incluez aussi dans votre exploration les neurosciences, la neurobiologie, qui pourraient dialoguer avec passions que les théâtres... Je ne suis pas paresseux, et donc je ne suis pas un savant. Mm-hmm. Je reste très, très ignorant. Mais justement, Amazel aussi m'a ouvert des voies vers ça, je crois, ce dont vous parlez, je crois, parce que il parle d'un peintre qui a ouvert un atelier dans un hôpital spécialisé dans la maladie d'Alzheimer. Or, ils ont publié un livre, j'ai vu des images, et on reconnaît des images qui montre que ces gens ont parfaitement dans un coin du cerveau, qui reste ignoré d'ailleurs, on voudrait bien savoir lequel, mais dans une partie de leur cerveau, ils ont des images exactes. Il y a une jeune fille dans la tempête, sa robe est soulevée par le vent, son parapluie est retourné, les feuilles sont en mouvement derrière, donc c'est des souvenirs très exacts que nous reconnaissons, nous qui nous prétendons normaux. Où ça se tient? Mais si cette partie du cerveau fonctionne chez les malades, pourquoi il ne fonctionnerait pas chez nous qui sont soi-disant bien portants? Parce qu'on ne peut pas faire fonctionner tout, justement. On a besoin des zones, des silences dans notre cerveau. Et oui, mais on a besoin de sacrifier beaucoup de choses pour survivre. C'est une hécatombe. La vie donne la mort. C'est encore une démonstration, s'il fallait rajouter une preuve. Est-ce qu'on peut revenir sur votre travail sur la lumière, puisque vous mettez bien sûr en avant le ne pas savoir, donc j'imagine que travailler à la lisière du visible, comme vous le faites, ça a beaucoup à voir avec ce ne pas savoir. Alors j'ai vu beaucoup de vos spectacles, mais pas tous, et j'aimerais savoir si vous avez toujours travaillé à la lisière du visible, ou s'il y a eu des moments où vous avez travaillé la pleine lumière, et si oui, qu'est-ce qui aurait pu... Non, mais bien entendu. Alors qu'est-ce qui aurait pu faire que vous avez basculé, ou que vous avez à un moment choisi? On ne bascule pas, ça bouge très lentement. Ça bouge lentement. À chaque spectacle, on fait des découvertes, on s'instruit, on fait des observations, on réfléchit... On en tient plusieurs comptes dans le spectacle suivant. Mais le goût de l'ombre est venu tardivement, parce que c'est pendant les maritimes, justement parce que Jean-Quentin Chaclin a une présence très lourde, très rouge, très éclatante, comme ça, très pesante. Donc de montrer tout le temps ce monstre, ça me fatiguait de le voir et ça m'empêchait de rêver. Donc, en plus il est alcoolique, mais c'est une parenthèse. Mais ça gâte cette représentation. Mais voilà, donc là, c'est là que j'ai commencé à faire baisser la lumière. Il était seul en scène, donc ça se passait sur lui, forcément. Mais j'ai commencé à baisser la lumière et j'ai vu que les zones qui étaient moins éclairées était beaucoup plus ouverte pour que l'imagination puisse s'engouffrer là et vivre en liberté et se développer autant qu'elle le voulait. Mais c'est un équilibre, là aussi, c'est encore, on rejoint la théorie des contraires, c'est une tension entre l'ombre et la lumière. Ce n'est pas mettre tout dans le noir, ce n'est pas travailler uniquement dans des lumières à peine perceptibles. J'aime bien toucher les limites, hein. C'est-à-dire en effet d'approcher de la peine perceptible, ou de la peine audible, ou de la peine visible. Donc on sait à peine ce qu'on voit, on sait à peine ce qu'on entend, on sait à peine ce qu'on comprend, mais on comprend beaucoup plus vastement, justement parce que ça fait tomber les frontières, ça fait tomber les limites, ça fait tomber toutes les barricades que nos habitudes soigneusement construisent autour de nous depuis la plus tendre enfance. Peut-être une autre question sur l'évolution du spectacle. D'abord, est-ce que vous avez un principe sur, sinon une contrainte extérieure, arrêter les répétitions pour jouer vraiment? Et puisque les spectacles sont quand même destinés à être repris pendant un certain nombre de soirées, est-ce que vous laissez le spectacle évoluer ou est-ce que vous tenez à ce que vous efforcez d'obtenir des acteurs qui fassent la même chose? À un moment, j'ai lu que vous comptiez un peu sur l'évolution du spectacle dans les acteurs et que vous admettiez que ça change, mais j'ai lu aussi par ailleurs que c'est peut-être tout à fait une légende, que vous remettez des notes parfois à vos acteurs pour dire ce qui ne va pas. Alors, j'ai un système là aussi tout à fait particulier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'assiste à toutes les représentations, que ce soit à Paris ou en tournée, j'accompagne toutes les tournées et je vois toutes les représentations, j'assiste à toutes les représentations. Donc ce n'est pas une coquetterie, c'est simplement que j'ai analysé, c'est extraordinairement, parce que je l'ai senti, c'est très bizarre de s'en aller le lendemain de la dernière répétition, d'abandonner les acteurs le lendemain de la répétition, de la dernière répétition. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Le public arrive. Le public n'était pas là en répétition. On n'a pas répété avec lui. On ne sait pas ce qui va sortir de ça. Et c'est un mystère énorme. Pourquoi le public est composé d'individus et chacun existe pour lui-même. En même temps, chacun agit sur les autres et chacun agit sur la totalité du public. Aucun public n'est égal d'un soir à l'autre. Le public est totalement différent. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes gens qui viennent. C'est une matière tout à fait friable, très, très indéfinissable aussi, le public. Mais c'est une matière qui a une force énorme, une présence qui a une force énorme. Les acteurs vous diront, vous devez en connaître, qu'il y a des soirs où ils ne peuvent pas jouer. Des soirs où le spectacle ne veut pas être transmis, ne veut pas aller dans la salle, ne veut pas agir sur l'imagination ou la sensibilité des spectateurs, ils se sentent comme paralysés, comme morts. Et il y a d'autres soirs, au contraire, Yann Fosse parle très bien de ça d'ailleurs, il y a d'autres soirs, au contraire, où on a l'impression que les choses trouvent des territoires pour se développer à l'infini, qu'on a l'impression que les choses sont changées de nature, qu'elles sont devenues volatiles, et qu'elles peuvent se déplacer comme ça, complètement librement, dans l'air, qu'elle se déplacerait d'ailleurs aussi bien avec la même côté volatile si elles étaient souterraines, sous terre. Donc c'est très étrange que cette action du public, il faut la surveiller, parce qu'en même temps, on peut, sans être foncièrement pessimiste, ce que j'ai tendance à être tout de même, sans être foncièrement pessimiste, on sait que les gens aiment bien la facilité, d'une façon générale. Donc les acteurs vont vers un jeu plus facile, mais c'est surtout le public qui aime la facilité et qui pousse les acteurs à aller vers cette facilité. Donc si on n'est pas là à observer ce qui se passe, le spectacle se délite très vite. Il se dénature, il perd ce qu'il avait d'essentiel même. Et alors, en général, les metteurs en scène qui appliquent la règle de s'en aller le lendemain de la première, d'aller faire de l'opéra en général, parce que c'est bien payé, c'est beaucoup plus important de rester là et de surveiller l'action du public. Et si le spectacle se détériore, ce n'est que jour après jour qu'on peut agir sur lui. C'est par des conversations avec les acteurs ou avec les gens qui font la lumière ou les techniciens. Mais c'est très peu de conversations puisque tout le monde assiste à la présentation, tout le monde a vu la même chose. Donc on sait de quoi on parle et on peut agir relativement facilement. Alors que si on s'en va et qu'on revient tous les 6-3 mois voir le spectacle et faire des notes vengeresse en disant c'est une catastrophe, le spectacle c'est complètement dénaturé, toi tu es très mauvais, toi tu es exécrable, etc. Ça n'est pas du tout une manière d'entretenir la vraie vie du spectacle. Donc en étant présent tous les jours, on voit les dangers, on voit les difficultés aussi, on voit la difficulté des comment les acteurs mènent le combat contre cette force extraordinaire, cette montagne qui est le public. On voit aussi comment certains jours, par une grâce inouïe, le public aide au développement de la matière secrète du spectacle, et donc de la matière secrète de l'écriture, et continue donc à écrire et continue à créer, et fait que le spectacle est toujours en transformation, il n'est pas une chose arrêtée, une chose fixe. C'est pour ça que les photographies sont impossibles. On publie beaucoup de photographies des spectacles, on voit des images, mais on ne photographie pas l'essence du spectacle puisqu'il est invisible. C'est infotographiable. D'ailleurs, excusez-moi, est-ce que la photographie vous intéresse ? La photographie m'intéresse, mais la photographie, l'armée de photographes qui vient faire les séances photo la veille de la première ne me satisfait pas du tout. Pas la photographie de spectacle, mais la photo de fin. Oui, ça m'intéresse, bien sûr, bien sûr. Et lorsque vous manipulez les textes, comme justement dans le travail que vous êtes, l'exploration que vous êtes en train de faire, est-ce que vous réalisez quelle sorte de parcours, vous choisissez un texte, vous le réadaptez, vous le manipulez pour en faire un texte jouable sur un théâtre, vous avez une notion des transcodages d'un texte qui est un texte d'un code à l'autre, d'un code qui est un code narratif, un code dramatique, où cela ne vous intéresse pas, c'est justement un rythme et un son que vous cherchez. Alors ce serait trop simple si je ne cherchais qu'un rythme et un son, c'est plus compliqué que ça. Mm-hmm. Il y a trop d'éléments, il y a énormément d'éléments dont on n'est pas d'ailleurs maître et qu'on ne peut même pas nommer dans leur totalité. C'est impossible. Il faut être très humble aussi. Se dire qu'on ne sait pas grand-chose. Et il faut justement observer. Il faut observer comment les différents éléments qui sont là, c'est-à-dire les acteurs, les volumes, la lumière, comment c'est quelque chose fait que la vie existe tout d'un coup, que quelque chose de la vie est créé, et comment le maintenir en vie sans que ça meure. Ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est là que ça rejoint la fragilité des cellules, avec tous les suicides cellulaires qui se produisent de manière absolument incessante et complètement démultipliée. Peut-être une question connexe, là. vous avez été tenté récemment plus par le poème que par le texte dramatique. Enfin, hormis la Vénus éternelle. Je crois qu'il y a l'écriture que poétique. Oui, c'est ça. Non, bah, donc, tout est poème, mais vous avez quand même. Vos choix se sont quand même clairement orientés. Vous avez beaucoup travaillé des pièces, du théâtre. Peut-être parce que j'ai mieux compris que tout était poème, que l'écriture devait être poème. Et peut-être c'est justement en n'ayant plus. En cessant d'avoir peur de l'obscurité, que j'ai pu faire cette avancée-là. Mais quand vous partez de quelques pages d'un morceau de roman pour en faire un spectacle, est-ce que vous commencez déjà à concevoir des éléments sinon de dialogue, du moins de découpage, ou bien vous faites ça avec les acteurs lors d'une lecture à la table? Il n'y a pas de règle. Ça m'arrive de travailler tout seul. Quelquefois, je travaille avant de savoir quels seront les acteurs. Donc, il faut bien travailler seul. Mais il faut être extrêmement prudent avec ça. Écrire quelque part que il ne faut pas triturer les textes et que n'importe quelle coupure peut dénaturer totalement un texte et peut provoquer une sorte d'hémorragie. Donc là, je suis pris en flagrant délit parce que c'est vrai que sur les derniers textes, j'ai pas réécrit, mais on a supprimé certaines phrases, on a reconstruit, donc on a quand même agi sur l'écriture. Et ça, je m'en veux beaucoup. Je pense que c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Mais elle s'avère parfois indispensable. Et spécialement quand on a commencé à travailler la barque le soir. On a vu, j'avais convoqué Yann Boudot pour faire des lectures, pour essayer d'écouter, de se rendre compte de qu'est-ce que c'était que ce texte, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et là, on a vu que si on lisait l'intégralité du texte, il y avait comme une espèce de sorte d'asphyxie. Et ça, je ne peux pas l'expliquer, c'est uniquement empirique. Donc, en effet, on a fait un travail où on a supprimé beaucoup de parties du texte. Et ce travail a continué d'ailleurs parce que je me souviens quand, un peu avant la fin des répétitions, c'est seulement là, un peu avant la fin des répétitions, que la structure définitive du texte est apparue. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai dit là, on enlève. Donc on a enlevé encore beaucoup. Et c'est comme ça qu'il n'est resté que 8 pages. Et là, justement, les spectateurs étaient incapables de dire la durée et étaient incapables de dire que le texte avait été réduit. C'est-à-dire que même pour les oiseaux en particulier, les gens avaient l'impression qu'on avait délivré la totalité du roman, alors qu'on avait travaillé sur un extrait extrêmement court qui devait avoir en effet une dizaine de pages à l'époque. Et depuis quelque temps, ça m'a amusé d'ailleurs de voir que ma version à l'intérieur faisait également exactement 10 pages, peut-être 11 pour être tout à fait honnête. Enfin, c'est cet ordre-là. Ça veut dire qu'on laisse la place à cette écriture, à cette partie muette de l'écriture dont parlait Sarraute. Et qu'il faut prendre du temps, chaque fois qu'on en a l'occasion, il ne faut pas exagérer dans la prise de temps, parce que ça pourrait devenir extrêmement lassant aussi. Mais il y a un temps qui est absolument nécessaire, ça je l'ai découvert d'ailleurs dans la première version d'intérieur, c'est que si on attend dans le silence avant de prendre la parole, la prise de parole est complètement modifiée. Ça n'est plus du tout la même chose, on n'entend pas du tout la même chose. Ça c'est un temps avant. Il y a le temps après, c'est-à-dire le temps à la fin des phrases, fait comme une espèce de caisse de résonance qui fait que justement cette matière silencieuse continue à se faire entendre, continue à parler, continue à travailler. Mais il y a une troisième forme de silence que je fais travailler aux acteurs, c'est justement comment garder le silence en parlant. C'est-à-dire comment délivrer le son des mots sans oblitérer le silence. Et comment faire à la fois entendre du son et de préserver la part de silence. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à exécuter, mais apparemment, les acteurs y parviennent. Et ce qui est rassurant pour moi, dans ce genre d'expériences qui sont très poussées au-delà des limites acceptables ou acceptées, c'est de voir aussi qu'il y a non seulement certains acteurs qui ont très envie de se confronter avec ce travail-là, mais qu'il y a toute une partie du public qui est comme gratifiée, qui exprime des remerciements d'avoir traversé ce genre d'expérience et d'être passé au-delà de l'habituelle visibilité des choses et de l'habituelle compréhension artificielle des choses. Donc c'est très rassurant de voir sur ces derniers spectacles qui sont l'aboutissement d'un travail qui s'est fait de plus en plus exigeant et de plus en plus difficile, de voir justement qu'il y a aussi une partie du public qui gratifie la difficulté. Et là, je ne peux pas entamer un champ de désespoir sur le développement de la facilité, mais c'est certain qu'il y a un goût naturel, j'en ai parlé tout à l'heure à propos de l'évolution des spectacles, il y a un penchant naturel vers ce qui est facile. Et quand il faut faire un effort, il y a beaucoup de gens qui sont paresseux, et la majorité, et qui ne veulent pas faire d'effort, et qui veulent comprendre tout de suite ou s'amuser tout de suite. Donc c'est un peu un combat, mais je sens qu'on voit des traces, parce que même on a joué à l'étranger, on a joué là-bas le soir en Autriche, avec un peu de surtitrage, mais comme toujours dans mon cas, pas la totalité surtitrée. Et c'est un risque très grand que la directrice avait pris. Elle a demandé qu'on joue intérieur en début de festival et elle a voulu qu'on conclue le festival à la fin par la barque le soir qu'elle avait vue en français. Mais c'était très très très courageux de sa part. Et nous avons été très très surpris de voir à quel point un public étranger était attentif à cette démarche et recevait le spectacle presque mieux que les gens qui l'entendaient dans leur langue française. Mais alors, c'est un parti pris de votre part de ne mettre des surtitrages que fragmentaires, de ne donner qu'une partie. Est-ce que c'est la volonté d'empêcher le spectateur de regarder au-dessus au lieu de regarder la scène, ou est-ce que il y a un peu de tout. La première chose, c'est le premier surtitrage important qui m'a été imposé, c'est au moment de Sarah Ken, parce que avec Isabelle Huppert, les spectacles se vendent beaucoup dans le monde. On est forcé de tourner beaucoup, on est condamné à tourner beaucoup. Donc il fallait aborder la question du surtitrage. Mais là aussi, j'ai senti que c'était... Il y a ce que vous dites, c'est certain, il y a plusieurs choses, hein. Mais c'est certain que si le public doit tout le temps lever les yeux vers l'écran, il perd le contact avec l'acteur. Et là, il y avait pratiquement une seule actrice, l'autre acteur ne se voyait pas. Donc si on perd le contact avec la seule actrice et qu'on est là en train, en même temps, vous perdez la spécificité du spectacle et justement de transmettre des choses muettes et vous revenez à un exercice de lecture, ce qui change complètement la nature du spectacle. Ça enlève la magie du spectacle, ça enlève l'invisible, ça revient à une chose très connue qui est la lecture d'un texte. Donc j'ai pensé qu'on pouvait mettre quelques phrases en essayant de rendre compte de la nature de l'œuvre, que les gens sachent de quoi il s'agit, quand même, un peu. Et d'autre part, je choisis des phrases qui sont spécifiques de l'écriture, que ce soit l'écriture de Sarah-Ken, qui est très particulière, ou que ce soit l'écriture de Maeterlinck, qui est tout à fait remarquable. Donc il y a quelques phrases qui sont faites comme ça, et qu'on a même presque plaisir à lire, parce qu'elles nous atteignent justement au niveau où la lecture nous atteint. Donc c'est un mélange de différents paramètres, mais là aussi il faut trouver comment doser les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en enlever trop, il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas en enlever trop. C'est quelque chose à sentir instinctivement. Mais en même temps, dans les parties qui ne sont pas surtitrées, on doit faire aussi l'expérience que les gens comprennent ce qu'ils croient ne pas comprendre. C'est-à-dire qu'à travers une langue qu'ils ne comprennent pas, ils perçoivent absolument des choses, ils reçoivent des choses. Et comme je suis très vieux, je me rappelle du temps où il n'y avait pas de surtitrage. Et c'était l'époque, d'ailleurs, où la France avait enfin inventé ce qu'ils appelaient le théâtre des nations, c'est-à-dire un théâtre où on invitait des troupes de tous les pays étrangers. Et donc, on a vu arriver à Paris toutes sortes de choses, de Laurence Olivier à Cantor, du Living Theatre au Brennan Poupette, tous les spectacles américains, tous les spectacles, toutes les mises en scène de Brecht avec Hélène Weigel. Et tout ça a été une explosion dans le théâtre qui se jouait à Paris à ce moment-là, qui était représenté pour les grands metteurs en scène par Jean Mercure, André Barsac et quelques autres un peu plus reluisants. C'était un bouleversement absolument extraordinaire. Or, ce théâtre des nations, ce bouleversement extraordinaire, cette arrivée de tout ce théâtre étranger, était fait sans surtitrage. Et on ne peut pas dire qu'on ne comprenait rien à la pièce, ni qu'on ne s'apercevait pas quand le spectacle était bon ou quand il était exécrable, et qu'on ne s'apercevait pas quand un acteur était un merveilleux acteur ou quand il était un acteur médiocre, voire nocif. Donc, on perçoit énormément de choses. Et donc, en laissant des parties non surtitrées, c'est aussi pour remettre les gens dans la faculté de comprendre ce qu'on ne comprend pas. De se rendre compte que l'être humain, le cerveau humain, est équipé pour pouvoir comprendre ce qu'il ne comprend pas. Autrement, la vie serait très ennuyeuse. Si on s'en tenait uniquement à ce qu'on comprend. Il faut que ça écrit un poème là-dessus qui est tout à fait bien. Il s'appelle « Vivre dans le secret ». Si vous tombez dans les mains, ne manquez pas de lire. Parce qu'il y a quand même, un faisceau d'esprit qui rejoignent. Ces choses-là ne sont pas personnelles. Je les ai aussi beaucoup prises chez les auteurs que j'ai montés. Et spécialement chez Yon Fosse, qui m'a fait découvrir Vézos. Parce que Vézos est l'ancêtre de Yon Fosse, de la génération d'avant. Mais Yon Fosse dit très humblement qu'il a écrit parce qu'il a été mis en contact avec l'écriture de Vézos et qu'il s'est reconnu là-dedans. Et comme il s'est reconnu dans Vézos, moi je me suis reconnu dans Fosse. Et je me suis reconnu dans Vézos à travers peut-être Yon Fosse lui-même. Tout ça, c'est des échanges, c'est des circulations de pensées qui se rejoignent, qui sont les mêmes. Fosse, par exemple, parle de la voix muette de l'écriture. Et quand il dit qu'il ne faut pas savoir ce qu'on va écrire quand on se met à sa table de travail pour écrire, qu'il faut faire le vide en soi, qu'il faut simplement écouter une voix muette, tout ça se rattache à quelque chose d'absolument mystérieux. Et on ne peut pas en débattre classe. Je vois que le temps tourne. Donc, si quelqu'un veut encore poser une ou deux questions, nous pouvons. Mais sinon, peut-être qu'il nous reste à vous remercier infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui, de nous avoir convaincu ceux qui ne vous connaissaient pas encore de suivre vos spectacles. J'ai vu d'ailleurs que à Aix va être donné dans un mois. J'ai vu annoncer à Aix, c'est un... Je me trompe ? Non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est, la... c'est pas la barque la nuit ? Hein ? C'est pas la barque la nuit ? C'est le soir. Le soir, la barque le soir. Ça a été fait déjà. Non, c'était l'année dernière. C'est l'année dernière. Ah. Ils ont pas changé leur anniversaire. Ça a été fait avec les ATP là-bas. Et, qu'est-ce qu'on avait joué avant ? Brume de Dieu aussi. On avait joué Brume de Dieu et on a joué à la prochaine. Alors quel est le prochain spectacle ? On va jouer à Aix ? Non. n'importe où. À l'intérieur va continuer à tourner, mais en Europe ? Non, pas en Europe. Oui, en Corée, vous avez dit. En Corée et au Japon, on va retourner au Japon. Mais on va jouer dans une ville à Yokohama, où on n'avait jamais joué. Là maintenant, ça c'est nouveau. Et puis on va refaire une série dans ce théâtre dont j'ai parlé. Mm-hmm. Ça avait été créé la première fois. Alors le prochain spectacle, c'est à partir de Trakl. C'est à partir de Trakl, c'est un des poèmes en prose qui se trouve dans ses œuvres complètes d'ailleurs, ça s'appelle Rêve et folie. Ça dépend un peu des traductions parce que dans folie, dans l'allemand, d'après ce qu'on m'a dit, il y a l'idée qu'il y a aussi une idée de noirceur, une idée de d'obscurité. Je sais pas, tu connais le mot allemand ? Effectivement, il y a plusieurs mots. Mais donc, c'est la traduction que j'ai choisie, traduit Rêve et folie, c'est un titre qui ne peut pas ne pas me plaire. C'est un texte magnifique où je me suis juré de ne faire aucune coupure ni aucun aménagement. Mais de lui-même, il fait déjà que lui, 8 pages, je crois. Hein? Une fois tapé, tu tapes un peu gros, tu laisses un peu d'espace pour faire croire. Non, mais c'est bien parce que ça fait de l'espace pour le silence. Il faut écrire le silence aussi, comme il faut écouter le langage du silence. Là, je vais terminer par une citation encore de Méchonis qui dit que le silence n'est pas un arrêt du langage, que c'est une catégorie du langage. Donc, l'expression presque verbale a lieu dans le silence. Et le silence est un moyen de communication fabuleux que les hommes politiques n'ont pas compris parce qu'ils continuent à faire des discours et à parler beaucoup. Mais il n'y a pas que les hommes politiques qui parlent trop. Moi aussi, pour ça. Merci beaucoup.